Eh bien bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, Serge en votre compagnie, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que le plaisir sera partagé. Un numéro 60 de cette émission Coup de cœur aujourd'hui. Je vous en dis un petit peu plus dans quelques minutes, ça sera la première d'une série de 3 émissions dédiées aux phases B qui sont devenues des succès et qui n'étaient pas pressenties comme telles au départ. Alors dans la vie, il y a des coups de blues, il y a des coups de cœur comme nous, mais des fois il y a des coups de gueule. Et c'est le principe de la nouvelle chanson de Gérard Lanvin. Alors messieurs Sarkozy, Hollande, Macron, accrochez-vous parce que vous allez en prendre plein les mirettes, comme on dit. Le titre entre le dire et le faire. Et juste après, nos coups de cœur, phase B. On a eu la gîte de Karcher. Se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire. Faut dire que c'est chez Jean-là, on se fout des autres, on ne pense qu'à soi. Qu'à soi, pauvre con, prends-le pour toi. Puissance mondiale en talonnette. On était bien lobés avec ça. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. Puis il y a eu l'autre regard ahuri qui a pas mis longtemps à se faire appeler Flamby. Bouton de costard tendu sur sa bedaine revenue, démasqué en scooter pour rejoindre sa blonde. Il prenait bien la flotte en se prenant pour James Bond. Si le ridicule tue, y'a des morts plein la rue. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler. Ils ont mis le gamin. La maîtresse lui a dit sois beau tes dessins. Regarde bien dans les yeux quand tu serreras des mains. Toi le roi du prompteur au sourire d'enfumeur. Assieds-toi à ta place, on ne te fera pas lever. Retourne voir ta maîtresse, elle saura t'expliquer. Entre le dire et le faire. Jet à Nancy sur 94.2. Alors cette chanson, elle risque de faire du bruit et elle risque également de ne pas faire plaisir à tout le monde. Alors Gérard Lanvin, avec son franc-parler, était accompagné de Johnny Gallagher, il faut le savoir, ça rime. Alors maintenant, on va parler, dans cette première émission, je vous l'ai dit, il y en aura trois, d'un temps que les adeptes du MP3 ne peuvent pas connaître. C'est le bon vieux temps où la musique se déclinait en deux faces et où, qu'on le veuille ou non, le consommateur de disques obtenait toujours deux titres pour le prix d'un. La face B, c'était le cadeau bonus, le truc en plus, ce morceau souvent inédit qu'il fallait aller chercher et découvrir de l'autre côté du miroir et qui vous entraînait souvent du côté obscur, il faut le dire, hein. Contraint de proposer deux chansons sur les galettes qui s'étaient imposées face au rouleau, au début du phonogramme, certains artistes se moquaient ouvertement de nous en recyclant des fonds de tiroir. Des jam sessions enregistrées à la va-vite, le même titre chanté a cappella ou au contraire livré dans sa version musicale uniquement. D'autres y mettaient du cœur et se forçaient à offrir aux fans un supplément d'âme et de qualité. Et les plus grands, comme les Beatles ou Elvis, incapables au fait de leur gloire d'enregistrer de mauvais titres, ne sortaient que des singles avec double face A que l'on pouvait retourner indéfiniment sans arriver à décider quel titre était le meilleur. Il s'agit en fait du mouvement perpétuel appliqué à la musique populaire. Eh bien, on va commencer ce programme avec un 45 tours, donc ce sera essentiellement des titres assez anciens. Un 45 tours dont la face A s'appelait « Le chemin de papa ». Et le grand succès, bah, ce fut la face B, les Champs-Elysées. En 1969, Joe Dassin est au sommet de sa gloire et le tandem qu'il forme avec Pierre Delanoë fonctionne à plein régime. Tous les deux empruntent ce chemin de papa qui devient un grand succès, sans oublier de passer par les Champs-Elysées, pour ce qui va devenir la chanson la plus célèbre du fils de Jules Dassin avec L'été indien. Ces deux chansons étaient vraiment ces deux titres phares. Et si la version originale en anglais était passée totalement inaperçue, ce n'est pas le cas de son adaptation, qui devient un succès planétaire, traduite en allemand, où Joe Dassin lui-même se place en tête des ventes, en anglais, italien, espagnol et japonais. Ce succès doit beaucoup au côté mythique des Champs-Elysées, peut-être la plus célèbre de ses artères, qui inspire tant de belles chansons, les grands boulevards, Penny Lane on Broadway, mais aussi au choix toujours avisé de Joe Dassin en matière de reprise. Ce succès tire les ventes de l'album Le Chemin de Papa, qui s'écoule à plus de 800 000 exemplaires et reste le plus grand succès du chanteur, récompensé par le prix de l'Académie Charles Cros. Les Champs-Elysées fut par la suite reprise par Daniel Darc, Garou ou encore Franck Michael. Alors, je vous propose qu'on écoute la face A, puis la face B, c'est Joe Dassin. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, retour d'un peu de camp, c'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Et c'est ainsi que Taoutan à travers les saisons, c'est ainsi que regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semés aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille roulotte de mon père. Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Fadjet. À Nancy. Sur 94.2. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. C'est coup de cœur, c'est Serge en votre compagnie. L'émission d'aujourd'hui est basée sur les faces B qui sont devenues des succès, j'allais dire supérieurs à leur face A. C'était le cas de Joe Dassin pour les Champs-Élysées. On va parler maintenant du groupe ABBA. Alors, si SOS est l'un des plus grands tubes de ce groupe, ce fut une face A dans le monde entier. Vogue décida bizarrement de le sortir en France, en face B, de Bang Boomerang, titre sympathique mais bien moins accrocheur que SOS qui marqua le deuxième grand départ de la carrière du quatuor suédois. Numéro 1 dans de nombreux pays, le titre fut ainsi le premier succès comparable à Waterloo. La chanson, d'ailleurs, qui leur avait permis de remporter le concours de l'Eurovision en 1974. Après ce SOS Salvateur, ABBA enchaîna pas moins de 18 succès classés dans le top 10 des charts britanniques, notamment. Et c'est finalement SOS qui fut également, au détriment de Bang Boomerang, le véritable succès de ce 45 tours en France, où il se classa au sommet des ventes à l'automne 75. SOS est par ailleurs une curiosité en ce qu'il s'agit du seul morceau à s'être classé au sommet des parades dont le titre et le nom du groupe sont tous deux des palindromes. Ah, qu'est-ce que c'est que le palindrome ? Eh ben c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens, comme ABBA et notamment comme SOS. Allez, on écoute la face A, Bang Boomerang, et puis ensuite ce sera SOS ABBA. Fadjet. F-A-J-E-T. Qu'une radio. Alors je vous rappelle le principe de cette émission d'aujourd'hui, c'est la première d'un premier volet d'une série de trois émissions que l'on consacre aux faces B qui sont devenues des succès. Erreur de casting au départ, ils auraient dû figurer sur la face A du 45 tours puisque ce sont des titres assez anciens et ça nous permet de vous proposer pendant trois semaines une émission avec vraiment des gens différents. On ne se consacre pas à une seule vedette mais ce sont des coups de cœur pour ces titres qui étaient prédestinés à passer un petit peu à la trappe au départ. Alors le suivant, c'est Gérard Manset. Alors lui, il fuit à ce point le succès qu'il ne pouvait faire autrement que de glisser le plus grand succès de sa carrière en face B finalement. C'était à l'origine sur un 45 tours promotionnel destiné aux radios et Il voyage en solitaire, vous connaissez, j'en suis persuadé, tube lunaire de 1975, se trouvait dissimulé derrière C'est un parc. Il s'agit d'une autre belle chanson de l'album, produite cette année-là par le plus énigmatique chanteur français. Bien sûr, un animateur, en l'occurrence Daniel Hamelin sur France Inter, eut la curiosité de retourner la galette pour y dénicher ce chef-d'œuvre de beauté simple et épurée, qui est aussi un autoportrait juste de l'artiste. Le titre fut alors matraqué sur les ondes publiques, jusqu'à ce que Pathé Marconi se décide enfin à le sortir en simple. Et 300 000 acheteurs décidèrent de voyager avec Gérard Manset. Toujours aussi réticent à s'exhiber, notre misanthrope accepta cependant le défi de se produire sur le plateau de Guy Lux à l'époque pour une rarissime apparition dans une émission grand public. Et puis Manset est reparti comme il était venu, à l'image de la pochette de son disque où il tourne le dos à l'auditeur sur le quai de la gare Montparnasse. Alors on écoute tout de suite C'est un parc et puis l'immense succès Il voyage en solitaire. Le début de la première chanson est un petit peu spécial, mais vous allez vous y habituer. C'est coup de cœur, c'est Serge en votre compagnie. Chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet.

Il faut savoir que la première version sortie en France est celle que Charles Trenet, qui l'a destinée à André Claveau, confie finalement à Roland Gerbeau. Elle paraît en 1943, 4 ans avant que son auteur ne la réenregistre lui-même. Voilà une chanson qui prend forcément une signification particulière en pleine occupation. Volontairement ou involontairement, Trenet a créé une chanson politique, une chanson de fierté patriotique, et ce n'est pas par hasard si le groupe Carte de séjour de Rachid Taha, formé de jeunes beurs issus des banlieues de Lyon, s'est saisi en 1982 de ce titre pour en faire un hymne à l'intégration. Carla Bruni, sachez-le, a enregistré une version franco-italienne en 2011. Donc ce Douce France était face B de Charles Trenet. La face A, ça s'appelait N'y pensez pas trop. Si les mystères de la vie vous mènent à zéro, n'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Pourquoi lorsque tombe la pluie, nous vient-elle d'en haut? N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Pourquoi la lune a-t-elle une influence sur les marées des océans immenses? Pourquoi le paon dit-il Léon, le coq cocorico? N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Si vous avez soif la nuit et qu'il n'y ait pas d'eau, n'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Si pour traverser Paris, vous prenez le métro, n'y pensez pas, bon, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Un peu d'oubli fait pas de mal en toute chose, et trop de génie vous rend parfois morose. Si vous jouez de la guitare et pas du banjo, n'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Pourquoi dit-on mon beau-frère à un type qui est vraiment pas beau? N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Et pourquoi vers solitaire quand il y a tant d'anneaux? Bah, c'est dégoûtant, n'y pensez pas, bah, bah, n'y pensez pas. N'y pensez pas trop, pourquoi dit-on qu'elle est grande, cette petite? Pourquoi le saumon a-t-il le goût de la truite? Oui, pourquoi? Pourquoi cette bonne est mauvaise et ses bas sont hauts? N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Si vous ignorez l'algèbre, les points cardinaux, n'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Si vous confondez le zèbre avec le taureau, oh, n'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Soyez heureux avec le peu de science qui rend joyeux les braves gens sans méfiance. Pourquoi les vaches ont-elles des puces et les puces pas de veau? Oh, et n'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Laissez faire le monde qui tourne, c'est la loi d'en haut. N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Fadjet, le bonheur en chanson. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. Alors si ces chansons, vous voulez les retrouver à n'importe quel moment de la journée durant la semaine à venir, juste après la diffusion sur l'antenne, le podcast, c'est www.fadjet.net. Il y a plein de surprises, ça vaut le détour, plein d'articles, plein de débats, plein de photos, plein de choses intéressantes. C'est à vous de voir. Maintenant, on va parler de Beaux Dommages, parce que si Robert Charlebois et Louise Forestier avaient montré la voie quelques années auparavant, c'est Beaux Dommages qui signa sans doute le plus grand succès de la vague québécoise qui déferla dans les années 1970 sur l'Hexagone. Composée par le chanteur et compositeur du groupe, Marcel Rivard, la complainte du phoque en Alaska relève au départ de l'écriture automatique. Une phrase venue comme ça à son auteur est laissée au coin d'un cahier. Le phoque regarde son poil briller comme les rues de New York après la pluie. Et bientôt, autour, une superbe valse triste sur le thème de l'abandon. Ce phoque abandonné au milieu de la banquise incarne tous les amoureux que leur blonde ont laissé tomber. La chanson fut le plus grand tube de l'impeccable premier album du groupe. Elle fut pourtant à l'origine éditée en phase B d'un autre titre de ce 33 tours, Harmonie du soir à Châteauguay, avant d'être plébiscité par les radios et le public. Alors on écoute déjà ce fameux premier titre, et puis la complainte du phoque en Alaska, ce sera juste après. Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. La rivière joue l'harmonica, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. Ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau en chantant leur chanson d'oiseau. Wow, wow, wow. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau. Les enfants viennent en chaloupe, ils ont pêché trois crapets soleil. Pêcher trois crapets soleil, ils ont pêché trois crapets soleil. Les mouches à feu font des folies, les wawarons sont pas plus fins, les wawarons

Le festival de toutes les musiques. Aujourd'hui dans Coup de cœur, c'est vraiment la variété dans la variété, beaucoup de styles différents. Le dernier 45 tours, face B, que l'on va découvrir, c'est celui d'Henri Salvador. L'honnêteté oblige à dire que Syracuse, sans doute la plus belle chanson d'Henri Salvador, mais aussi du parolier Bernard Dimet, sortie dans sa première version en face A, celle dans 45 tours, 4 titres de Jean Sablon. Mais nous nous trouvons avec la version d'Henri Salvador la plus réussie sans doute, auteur oblige. Mélodie langoureuse sur écrin de jazz, parole d'une poésie merveilleuse et presque enfantine, Syracuse est sans doute la plus belle incitation au voyage de la chanson française. La face A du 45 tours d'Henri Salvador, où figure la chanson, s'intitulait Le Martien. Syracuse, Quatal et face B, en cette année 1963, puisqu'on la retrouve également dans un 45 tours de la chanteuse d'origine vietnamienne Tini Young. Le Martien par Henri Salvador, et puis Syracuse bien sûr. Sur l'écran de ma télé, un soir, j'ai vu soudain un petit homme vert qui me disait « Moi, je suis un martien. Oui, je suis un vrai martien et je viens sur la Terre pour vous dire que tout va très bien chez les petits hommes verts. » Palais du Grand Lama. les amants de Vérone, au sommet des Fujiyama, voir le pays du matin. Eh bien, c'est la fin de ce premier volet des phases B. Il y en aura deux autres dans les semaines à venir. Je vous l'avais promis la semaine dernière, on va réécouter ce live de Gilbert Bécaud, Nathalie, qu'on avait dû écourter en raison de l'horaire. Mais ça valait vraiment le coup. Je vous retrouve dans quelques minutes. Et puis, je vous dis déjà à la semaine prochaine. Nathalie, Gilbert Bécaud, en public à l'Olympia en 1991. La place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Ouais. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis et moi, je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un bon chocolat. La place rouge était vide, je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Ouais, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir, Nathalie traduisait. Chocolat. de chez Pouchkin, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide. Eh bien, on prend déjà rendez-vous pour la semaine prochaine. Plein de surprises également. Et finalement, la morale de cette histoire, c'est que c'est toujours le public qui décide quels seront les titres qui feront des succès. Des fois, ça tient un peu de choses. Un animateur qui retourne la galette dans les années 60 ou 70 et hop, on découvre. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, soyez prudents, faites-vous vacciner, bien sûr. À bientôt, à jeudi, 17h sur 94.2. Salut !